50 languages. 38. 38. في سيارة الأجرة. En taxi. En taxi. من فضلك اطلب لي سيارة أجرة. Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. Veuillez m'appeler un taxi, s'il vous plaît. كم الأجرة حتى المحطة؟ Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare? Combien est-ce que ça coûte jusqu'à la gare? كم الأجرة حتى المطار؟ Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport? Combien est-ce que ça coûte jusqu'à l'aéroport? من فضلك على طول. Tout droit s'il vous plaît. Tout droit s'il vous plaît. من فضلك على اليمين. À droite s'il vous plaît. À droite s'il vous plaît. من فضلك هناك عند الزاوية على اليسار. Prenez la première à gauche au coin s'il vous plaît. Prenez la première à gauche au coin, s'il vous plaît. Je suis pressé. Je suis pressé. J'ai le temps. J'ai le temps. Allez plus lentement, s'il vous plaît. Allez plus lentement, s'il vous plaît. من فضلك توقف هنا. Arrêtez-vous ici s'il vous plaît. Arrêtez-vous ici s'il vous plaît. انتظر لحظة من فضلك. Attendez un moment s'il vous plaît. Attendez un moment s'il vous plaît. سأعود حالا. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. من فضلك أعطني وصلة. Donnez-moi un reçu s'il vous plaît. Donnez-moi un reçu s'il vous plaît. ليست لدي نقود صغيرة. Je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. لا بأس، البقية لك. C'est bon, gardez la monnaie. C'est bon, gardez la monnaie. خذني إلى هذا العنوان. Conduisez-moi à cette adresse. Conduisez-moi à cette adresse. خذني إلى فندقي. Conduisez-moi à cet hôtel. Conduisez-moi à cet hôtel. خذني إلى الشاطئ. Conduisez-moi à la plage. Conduisez-moi à la plage.